Mardi 26 mai, Julie Gagné avec vous pour cette dernière émission de l'aérospatiale après 5 ans à la barre de l'émission, après 5 heures de bénévolat. Eh bien, je tire ma révérence. Aujourd'hui à l'émission, on termine l'émission, je dirais, comme elle a commencé il y a 10 ans, c'est-à-dire avec Jean-Pierre Gay qui va porter un regard sur l'exposition Les Premiers d'Alexis Bellavance qui est présentée à Regard. Également, on discute avec Dominique Pétrin au sujet de ses installations sérigraphiques présentées dans le hall de Méduse et à l'espace Galerie Sherpa. On discute également, elle est là déjà en studio, je vais lui dire bonjour, avec Audrey Carreau. Bonjour Audrey. Allô Julie. Audrey, t'es allée à Venise, t'en reviens tout juste? Oui, ça fait quelques jours seulement que je suis revenue, le samedi soir pour être plus précise. Voilà, donc Audrey est allée à la Biennale de Venise, on a bien hâte d'en entendre parler. Et le tout sera ponctué des suggestions de Simon Roy qui est avec nous en studio. Bonjour Simon. Bonjour. Ça va bien? Ben oui, c'est le fun de se voir. Ben oui, hein, c'est comme t'as dit tantôt, t'as dit j'étais là la première, je suis là la dernière, donc ben voilà, oui. On se sera parlé au téléphone entre deux, mais c'est toujours depuis plaisir. 2011, toute une aventure. C'est, ben oui, hein? 2010. 2010? Ben oui. Aïe, aïe. Oui, oui, c'est ça, 5 ans. OK, bon, ça passe vraiment vite. Oui, ça passe vite. Le temps passe vite. Il y a bien des choses qui changent aussi en 5 ans. Simon, qu'est-ce qu'on écoute cette semaine? Je te laisse prononcer, je pense. Oui, ben ça va être un peu difficile. Ça nous vient de l'Indonésie. C'est Wukir Suryadi. C'est un artiste qui invente ses propres instruments de musique. Oh! Donc, il aime bien les inventer et faire la cuisine en même temps. Donc, ça a l'air d'être un drôle de type. Souvent, ça va être des instruments... Il fait la cuisine en même temps? Oui. Il cuisine des repas, là? Oui, c'est ça, des repas dans son atelier. Il aime bien bouffer et travailler en même temps. Il invite des amis. Puis, c'est toutes sortes d'objets étranges qui sont autour de lui. Donc, il crée sa propre musique. Donc, musique expérimentale indonésienne. C'est pas souvent qu'on d'en entendre. Je vais essayer de prononcer l'album. Oui, c'est ça. Je l'avais en face de moi, puis je me disais, bonne chance. C'est Antara Dapur in Lingkuan Ganya. C'est sur l'étiquette, donc, indonésienne Yes No Wave. Une étiquette vraiment intéressante, vraiment active. Plein de trucs. Ça part du punk à l'expérimental. Donc, des belles découvertes à faire. Donc, se rendre, comme à l'habitude, sur le blog de l'émission pour télécharger tout ça. Voilà, l'aérospatiale.wordpress.com. Mais Simon, j'en profite pour te remercier de 5 heures de belles collaborations, que ce soit à l'aérospatiale, aux émissions spéciales sur la manif aussi. Merci de m'avoir invité. Ça a été une belle aventure. Voilà, on aura certainement l'occasion ultérieurement de recollaborer à CKR. J'aimerais bien ça. Ben oui, moi aussi. Voilà, on écoute tout de suite un extrait audio. On écoute Sang Tong Nazi Kessil. Je l'avais fait. Facile. Thank you. Voilà, donc c'était un extrait de la pièce Santong Nazi Kessil de Wu. Je le regarde puis je ris. Wukir Suryadi. Je remercie Simon Roy. D'ailleurs, vous pouvez l'écouter à Web Music les dimanches à 19h à CKRL. Lui, il prend pas de pause. Hein. Simon, tu me disais, ça fait combien de temps que tu le fais sans interruption? Depuis 2007, peut-être 4 pauses depuis les débuts en 2007. Voilà, donc Web Music, ça vaut la peine. Merci Simon. Audrey, Caro, tu es de retour de la Biennale de Venise. Eh oui. Tout qu'un événement, il faut dire, international, bien sûr, hein, qui réunit une communauté très, très large de l'art contemporain actuel. Ouais. Oui. Tout qu'un événement. Ben, vas-y, là, lance-toi. Là, t'as plein de papiers, là, des papiers de devoir. T'as sûrement là, le programme de la Biennale. Là. Ben, premièrement, peut-être, je te pose la question, arriver à Venise pendant la Biennale, ça fait quoi? Ben, à vrai dire, moi, je suis arrivée juste un petit peu après les événements, dans le fond, pour les journalistes puis la communauté artistique, là, le lendemain. Mais arriver à Venise, en tout cas, c'est assez chouette parce qu'on arrive en général par bateau ou par train. Ouais, moi, hein? J'ai pris le bateau, donc c'était vraiment une expérience. En plus, j'ai pu passer devant les giardini de la Biennale en vaporetto. Fait que c'était très intéressant. Et d'ailleurs, un des premiers coups d'œil que j'ai eu, c'est pour ceux qui connaissent peut-être la fameuse revue Toilet Paper de Maurizio Catella et de son collaborateur, dont malheureusement j'oublie le nom, il y avait une espèce de sculpture gonflable à l'arrêt de vaporetto, là, qui est dans le fond, si on veut, le transport public là-bas, là, comme un arrêt d'autobus. Okay. Là, mais devant les giardini, et puis c'était le fameux cactus avec deux œufs au bas. Donc, je vous laisse deviner la forme présager là-dessus. Mais ça avait fait la couverture, si je me souviens bien, du deuxième numéro de Toilet Paper. Donc, tout de suite, j'ai dit à mon copain, j'ai dit, hey, regarde, j'ai dit, c'est la sculpture gonflable de Toilet Paper. Donc, tout de suite, ça marquait d'entrée de jeu l'arrêt des giardini. Et là, tu dis vraiment, je vais voir des choses impressionnantes. Là, ben pas le oui. Choix. Mais tu sais, comme toute manifestation, si on peut dire, de cette envergure-là, les biennales, ben, tu sais, il y a du marquant puis du moins marquant là, c'est certain. Mais je dirais qu'il y a certaines choses qui ont retenu mon attention aussi. Ça a été un sprint parce que je dois dire que j'étais là seulement pour 3 jours à Venise. Et là-là, hein? Donc, j'ai fait les Giardini et l'Arsenal parce qu'il faut peut-être expliquer aux auditeurs, c'est que le site principal se divise en deux portions. Donc, les giardini qui sont vraiment des jardins où il y a des pavillons, une trentaine de pavillons à peu près de pays. Ouais. Donc, un peu, si on passe aux expositions universelles, c'est un peu sur la même idée. Chaque pays a son pavillon. J'imagine donc c'est là qu'il y avait le pavillon de BGR. Exactement, dans le fond, c'est Canada. Ça. Dans les giardini. Donc, c'est quand même intéressant aussi de mêler en quelque sorte art et nature, si on peut dire ici. Et puis, il y avait une autre portion dans l'arsenal qui est en fait un d'anciens bâtiments militaires italiens, donc qui ont été reconvertis là en lieu d'exposition pour ça. Mais c'est immense. On retrouve à la fois une exposition principale, un peu comme la Manif d'art. Ouais. Si on ouais. veut qu'il y ait une exposition, par exemple, à l'espace 400e, à thématique, exactement. Soutenu. Et puis, après ça, il y a même se joint dans les autres bâtiments d'autres pavillons de pays qui n'ont pas dans le fond, pied à terre à Venise, là, avec un pavillon qui reste là à Nalénong. Donc, il y avait d'autres aussi présentations nationales qui se faisaient aussi dans ce lieu-là. Et il faut quand même souligner près d'une, pas loin de 45 à 50 expositions hors ces lieux-là aussi. Aïe, aïe, aïe, hein? Donc, c'était vraiment pour l'amateur d'art qui tripe à fond. Il y en avait à voir tout au long là, de l'événement qui dure là, plusieurs mois. Là. C'est ouais, dans c'est ça, du 9 demander. Mai jusqu'au 22 novembre. Donc, une longue période, mais quand même, c'était assez intense. Tu parles d'une cinquantaine d'expositions à part. Tu sais, reste quand même en 5 mois. C'est quand même... Exactement, mais tu sais, c'est des petites expositions. Ouais. Là. Souvent, un ou deux artistes là, dans des palazzos, par exemple, à l'extérieur ou des lieux culturels aussi. Je sais qu'il y avait des représentants québécois aussi qui se trouvaient dans ces lieux-là, dont Guillaume Lachapelle et Simon Bilodeau, notamment. Et plusieurs autres, parce que comme on pouvait le voir dans les journaux, ouais, c'était... Oui, ça apparaissait sporadiquement, là, des artistes canadiens qui vont... Exactement, qui vont je pense que c'est la plus grande mouture québécoise qui va être représentée cette année, là, la 56e édition. De la Biennale. Donc voilà. Fait que c'est ça. Ben je sais pas, est-ce que tu veux qu'on se parle? Vas-y, lance-toi dans tes coups de cœur. Tu sais, je vois que tu as apporté toutes sortes de choses. Ben c'est ça, je savais pas trop ce que tu voulais qu'on parle. Donc je vais me traîner ce qu'il faut, puis on va en parler aux auditeurs. Ben moi, je t'écoute en fait, je pense que... Parfait. Tu parles excellent. De ce dont tu as envie, ce qui t'a marqué, ben, ce qui, écoutez, à la limite, ce qui t'a déplu. On peut commencer, j'irai avec les BGL, hein, quand ben, même. Ouais. On va se gâter là-dessus. Depuis le temps qu'on entend parler, depuis le temps qu'on lit. Exactement. Donc, j'ai eu l'opportunité de le voir parce qu'il faut le dire, le pavillon là-bas, le bâtiment en soi, est pas très séducteur et ni très ergonomique, si on peut dire, adapté pour des expositions d'art. Et ben, fidèle à leur habitude, et c'est ça qui m'a beaucoup plu, c'est que les BGS sont restés fidèles à eux-mêmes. Donc, ils ont complètement joué avec le lieu qui leur était proposé, autant avec les points positifs que ses points négatifs. Et ce qui était intéressant, c'est quand on arrivait devant ce fameux pavillon-là, ben on avait un peu l'impression que le pavillon était en construction. Il y avait des échafauds à l'extérieur. C'était un peu bric-à-brac. Et puis, ce qui était drôle, c'était de voir la réaction des gens. Bon, moi, j'avais... un petit peu entendu ce qui se tramait, mais j'avais quand même essayé de rester le moins possible informée, là, mais c'était difficile. Ouais, puis tu sais, on s'attend à la réaction des gens aussi, là. Bon, puisqu'on le sait, ils ont recréé un dépanneur typiquement québécois, là. C'est mais, ça. Tu sais, comme pour nous, c'est une chose, mais pour un public international, c'est comme complètement autre chose. Exactement. J'imagine, ben, c'est ça la beauté de la chose, c'est que les gens, lorsqu'ils arrivaient devant le pavillon, ben là, ils voyaient écrit dépanneur, puis ça, ils disaient, ah, c'est pas là. Donc, on les voyait bifurquer vers ce qui était en fait la sortie du pavillon. Et puis là, il y avait quelqu'un, un médiateur qui était là pour leur expliquer, non, il faut passer par la petite porte là. Fait que là, les gens déjà là étaient complètement désorientés. On rouvre la porte du dépanneur et puis là, on rentre. Bon, en fait, comme j'ai dit à d'autres collègues, j'ai dit... En tant que Québécois, ben on s'y reconnaissait. C'était comme si on était transporté chez nous. Jusqu'au Chip Yum Yum, là. Jusqu'au Chip Yum Yum. Même dans le frigo qui était là, il y avait du lait qui est bon. Oui. enfin, bref, toutes sortes de produits. Il y avait même des produits des escomptes le compte aussi, là, avec des petites étiquettes. Tu sais, on passait autant de la nourriture à tout le bric-à-brac qu'on retrouve dans un dépanneur de d'hameçon de pêche, aller jusqu'au condom aussi. Bref, toutes sortes de choses, ficelles. On a tellement dû s'amuser à trouver toutes ces choses-là, là, à dire qu'est-ce qu'on met dans notre... Ben c'est ça. Alors, je sais qu'en fait, ils ont récupéré d'une vente d'un dépanneur qui fermait. En fait, ils ont racheté le stock d'un dépanneur qui fermait. Et puis, c'est ce qui a un peu donné, je pense, l'authenticité ou la petite touche authentique à tout ça. Donc, la vieille horloge... Ça avait été un équilibre vraiment dur à trouver, là, de dire qu'est-ce qui fait trop cliché, qu'est-ce qui est réaliste. Mais non, vraiment, c'était en plein dans ce qu'on pouvait s'attendre d'un bon vieux dépanneur québécois, mais il y avait des petites perles aussi au travers de ça. Par exemple, bon, la fameuse horloge Molson Export. Ouais, ouais. Il y avait aussi un genre de bas-relief sculpté en bois. Vous m'excuserez, je me souviens plus le nom de cet artiste, mais un genre d'artiste patenteux qui avait représenté le pavillon du Canada. Donc, cette petite œuvre-là qui était affichée à quelque part dans le haut du dépanneur. Une assiette d'Expo 67. Enfin, moi, j'avais des petites références parce que ça fait longtemps que je connais le travail des BGL. Mais c'était une assiette que Pierre Lapointe, là, le chanteur, leur avait soumis pour un projet à vente de garage qui avait été diffusé à Art TV, une émission, bref, qu'un artiste vedette donne à un artiste en art visuel, un objet pour qu'il en refasse autre chose, qu'il en fasse une création originale. Et puis, il leur avait soumis cet objet-là, mais enfin, ça n'était pas servi. Donc, on le retrouvait là. Et puis, un coup, ce qui est intéressant avec ce petit dépanneur-là, ben, c'est que on m'a raconté toutes sortes d'anecdotes que pendant le montage, ben, il y a des techniciens italiens qui sont arrivés, puis ils sont rentrés là, ils sont pris une bouteille d'eau, puis un chip, puis ils sont passés à la caisse. Puis à la caisse, ben, il y a tout le temps un médiateur qui est assis là. Et puis, ben, les gens leur disaient... C'est vraiment pour renforcer l'illusion aussi. Mais c'est ça, ça renforce l'illusion, mais en même temps, ça montre comment ça fonctionne. Ouais, parce que même des des gens de locaux qui se sont fait prendre au jeu littéralement. Puis je sais qu'il y a beaucoup d'Italiens aussi, me dit-on, quand j'étais là-bas, ont vraiment aimé l'exposition, l'installation qu'ils avaient faite. Mais c'était pas tout, hein, parce ben que non. Ça, ce n'était qu'une des premières parties de l'exposition. Parce que derrière le comptoir du commis, il y avait un petit rideau en bambou. Et puis on passait dans l'arrière-boutique, si on veut. On tombait dans une espèce d'espace transitoire, très blanc, plutôt vide, avec des endroits pour s'asseoir. Puis une vitrine où il y avait tout plein de petites vis. Quand on s'approchait, c'était du plexiglas, donc on voyait tout plein de petites vis qui faisaient comme un éventail, hein, une forme d'éventail comme ça, et puis des pièces de monnaie à l'intérieur. Donc, questionne un peu, mais c'était quand même très beau le résultat. Puis après ça, ça nous menait à un autre espace qui était en quelque sorte comme l'atelier du tenancier, du dépanneur. Donc, sa deuxième vie, là. Sa deuxième vie, exactement. Sa vie après son chiffre, là, et ce qui donne les fameuses cannes ben de ouais. peinture qu'on a pu voir dans les nombreuses qui ont servi à financer. Publications. Oui, exactement. Ben, le tableau, hein, qui a servi à financer. Donc, on peut voir tout plein de cannes de peinture. Donc, en quelque sorte, comme si ce tenancier de dépanneur-là se réutilisait dans le fond des objets de son commerce puis en faisait une autre en leur donnait une autre vie en quelque sorte, donc des cannes de peinture mais aussi des petites poteries là en terre cuite qui étaient là, toutes sortes d'objets, bric-à-brac, des flûtes du carnaval, exactement, des Pères Noël en plastique, une bouée, il y avait même un petit lavabo, vous savez qu'on trouve dans les caves là pour laver les peintures, ouais. Là, puis tout ça, bon, il y avait ça, radio, des pneus. Bref, c'est ça, un peu le bric-à-brac de ce tenancier, ce propriétaire de dépanneur-là, qui, après le chiffre, ben, ça donne à des activités créatives, créatrices intenses. Et puis, ben, tout ça nous rouvrait ensuite sur les fameux échafauds qu'on voyait à l'extérieur, ben, c'est que ça nous faisait monter en haut. Et puis, il y avait toute une série de petits corridors, si on peut dire, avec des escabeaux accrochés, tout ça. Puis, au bout de ça, on pouvait mettre une pièce de 1 euro dedans. Et puis, cette pièce-là, bien, elle glissait dans ces petits corridors-là, un peu comme des glissades à pièces de monnaie qui, après ça, tombaient dans un petit mont de charge qui se retransférait dans un autre corridor. Et puis, au bout, ça tombait dans la fameuse vitre en plexiglas avec de les petits toutes éventails. Les pièces de monnaie. Voilà, mais ça faisait un peu, pour ceux qui sont familiers avec The Price is Right, un peu le plinko. Donc, okay. On met la pièce en haut puis qu'elle bondit un peu pour descendre jusqu'en bas. Bien, c'était un peu dans cet esprit-là, en tout cas, moi, que ça m'a évoqué à ce moment-là. Donc, en quelque sorte, on peut dire une expérience pour le visiteur hors du commun, vraiment, là, mais fidèle à BGL, qui joue entre les limites de l'art et du quotidien, en quelque sorte, pour venir brouiller ces pistes-là puis nous faire vivre une expérience. Bien, l'expérience était totale à ce moment-là. Donc, voilà. Bien, Audrey, tu nous fais vraiment envie. Oui. Puis là, après cet envolé, j'ai peut-être envie de faire une petite pause ben audio, oui. Puis on poursuivra par la suite. On va écouter un deuxième extrait. Là, je vais dire le nom de l'album. De l'album Antara Dapur and Lingkung Ganya. Une suggestion, je répète, de Simon Roy qui me regarde en souriant, en essayant de dire le nom. On écoute un extrait de la pièce Bamboo Wulung 1. Là. Puis voilà, c'était un extrait de l'artiste Wikir Suryadi. Je suis toujours avec Audrey Caro qui nous a parlé du pavillon de BGL, mais certainement il n'y a pas juste BGL à Venise. Audrey, qu'est-ce qui t'a frappé? Oui, ben peut-être je vais y aller avec mes coups de cœur que j'ai eu là-bas. Puis c'est intéressant parce qu'en discutant avec d'autres gens qui ont visité la Biennale, on revenait souvent avec les mêmes noms. Je dois dire que tout près du pavillon du Canada, justement, il y avait le pavillon du Japon. Et c'était une magnifique installation, d'ailleurs, dans le Devoir, lorsqu'on annonçait la remise des prix des Lions d'or. C'est cette image-là qui a servi l'artiste japonais Shiharu Shiyato, qui est une œuvre donc qui s'appelle The Key in the Hand, qui est magnifique à vrai dire, constituée de bateaux avec tout plein de petites ficelles rouges au-dessus qui avaient des clés partout. Donc c'est très très poétique comme installation et très immersif aussi. Vraiment un moment de pure délectation là, d'entrer dans ce pavillon là. J'ai vraiment beaucoup apprécié. C'était, tu sais, j'ai juste vu l'image. Puis j'étais vraiment stupéfaite, là, tellement je trouvais ça beau. Là. On est transporté, puis vraiment, c'est vraiment agréable là, d'être là. On se sentait ailleurs, là, littéralement, mais en même temps, on y voyait les liens avec le Japon, l'importance avec le commerce de la pêche, etc. Donc, c'était assez intéressant comme proposition. Sinon, il y avait aussi encore, pas très loin, le pavillon de la France, Céleste Boursier-Mougenot, qui, en fait, occupait un espace autant à l'intérieur du pavillon, mais avait des œuvres aussi à l'extérieur. C'était des œuvres mobiles. C'est en fait trois grands cornifères qui étaient sur une espèce de boule de terre, mais quand on s'approchait de ces arbres-là, ils se déplaçaient. Donc, même à l'intérieur c'était intéressant parce que le pavillon était tout blanc à l'intérieur et il y avait ce mastodonte-là en plein centre qui bougeait, puis il y avait une espèce de vibration là aussi sonore là qui était là. On pouvait s'asseoir puis juste regarder là, l'arbre se déplacer. Mais à l'extérieur, c'était intéressant parce qu'on pouvait voir au sol les déplacements. C'était quand même subtil. Il n'allait pas à 40 km/h. Il filait là, pas, c'est ça. Mais il se déplaçait quand même parce que le temps que je visite un autre pavillon, eh bien, il s'était déjà déplacé quand même considérablement. Donc, c'était quand même assez intéressant entre nature, culture, comme sujet. Là. Donc, assez intéressant comme proposition. Mais quand on visite un événement de cette ampleur-là aussi, c'est qu'il y a tout le budget qui va avec. T'sais, on a bien beau voir, par exemple, la Manif d'art qui fait vraiment du bon travail, mais dans un événement comme celui-là, je veux dire, c'est tellement gros qu'on peut vraiment avoir des œuvres plus grandes que nature aussi. Oui, puis en même temps aussi, c'est chaque dans le fond, pays qui assure aussi les frais de tout ça. Donc, c'est certain que ça laisse place à des œuvres à grand déploiement. Ben oui, c'est ça. Je dois dire aussi celui je l'ai juste en anglais, là, mais de l'Angleterre, qui m'a quand même surprise. Enfin, on avait différentes sculptures qui, notamment, mettaient en scène des derrières de femmes moulées dans lesquelles on avait inséré à différents endroits des cigarettes. Donc, c'était assez provocant. Là, comme proposition, mais enfin, c'est une artiste de la Young British. Excusez-moi, je suis dérangée par les sirènes à l'extérieur. Là. Mais enfin, c'était assez provocateur. Ça se voulait provocateur, mais intéressant. Ça laissait place. Ça fait poser une question sur le corps féminin, son utilisation et tout. Donc, quand même intéressant aussi. Et sinon, je dois dire aussi que dans le pavillon de où l'Arsenal, il y a eu quelques artistes, là, ceux de la Slovénie, de la Lettonie aussi, et un artiste chinois qui ont retenu mon attention aussi par leurs œuvres qui sortaient un peu de l'ordinaire, là, si on peut dire, dans tout cette masse d'art qui était là. Et voilà, je dirais, une expérience à vivre pour les amateurs d'art là, qui trippent art actuel, d'aller voir ça, une fois dans sa vie, c'est assez intéressant. Vous allez revenir peut-être saturé d'art. Ouais, c'est ça, on va prendre une petite pause, une couple de semaines, le temps d'absorber tout ce qu'on a vu. C'est ça. Ou sinon, si vous avez le temps de pouvoir digérer tout ça au fur et à mesure, ça vaut la peine. Mais très heureuse d'avoir été voir, puis peut-être en conclusion de dire que on n'a rien à se, si on peut dire, à envier aux autres, parce que vraiment le Canada se démarquait par la qualité de sa production au travers de tout ça et de son originalité, je dirais aussi. Voilà, ben Audrey Caro, merci infiniment. Ça fait plaisir. Merci de ta collaboration à l'émission. Ça fait quoi? C'était cette année, hein? Oui, c'était ma première année, exactement, mais ça a été fort agréable. Et puis, je te souhaite une belle continuation aussi. Merci de toute cette énergie, du temps que tu as mis dans l'émission. Voilà, ben merci. On s'en va en pause. Au retour, on discute avec Dominique Pétrin. 89.1. Lundi 1er juin, CKRL lance l'été 2015. Lance sa programmation d'été 2015. De 15h30 à 17h30, découvrez les nouveautés de la saison estivale lors de l'émission de lancement animée par Tania Beaumont en direct du Bal du Lézard, 1049 3e Avenue. Tout de suite après, venez nous rejoindre pour rencontrer l'équipe de CKRL et profiter de la prestation de Jérôme Casabon en 5 à 7. Le lancement de la programmation d'été de CKRL, c'est un peu le lancement de l'été. Composé du guitariste Tuck and Dress et de la chanteuse Patty Cathcart, le légendaire duo Tuck and Patty sera de passage au Théâtre Petit Champlain le 5 juin prochain. Depuis 36 ans, cet éclectique duo voix-guitare s'est formé une réputation exceptionnelle autant auprès des amateurs de jazz qu'auprès des amateurs de musique en général. Tuck and Patty au Théâtre Petit Champlain le 5 juin. 88-692-2631 ou théâtrepetitchamplain.com. Alors, est-ce que monsieur a choisi? Oui, je vais prendre le tartare de saumon, s'il vous plaît. Donc, le tartare de saumon, plus les joues de bœuf, le risotto aux cèpes, le feuilleté de légumes... Ah non, excusez-moi. La bisque de homard, la poutine au foie gras... Excusez-moi. La salade d'artichaut... Mais... Et le poulet de cornouailles aux abricots façon marocaine. Ce sera tout? Ouais. Attendez-vous à plus. Avec la carte boutique voir.ca, vous recevez jusqu'à 40% de plus chez vos marchands favoris. Passez nous voir sur boutiquevoir.ca. Enfin, le Salon de la Passion médiévale ouvre ses portes à Québec. Si le Moyen-Âge vous fascine et que vous rêvez de vivre une aventure épique, ne manquez pas l'unique Salon de la Passion médiévale les 30 et 31 mai au Cégep Limoilou. Avec plus de 80 exposants, de la musique, des spectacles en continu, ainsi que des combats de chevaliers à couper le souffle, toute la famille y vivra un véritable voyage dans le temps. Informez-vous au salonmedievalquebec.com, le Salon de la Passion médiévale de Québec. Venez vivre l'expérience. Les jeudis 9h, écoutez le 8e continent. Énergie verte, agriculture urbaine et activisme environnemental sont à l'honneur avec en vedette des organismes impliqués dans l'environnement. Cette émission est une présentation de la boutique Écotantique. Écotantique vous offre la plus grande sélection de produits du chanvre industriel à Québec. Écotantique, 160 rue Saint-Paul et pour en savoir plus, écotantique.com. C'est peut-être de la chance. Panorama, le nouvel album de Tire le Coyote. Et je veux que ton pouvoir me surprenne encore. Ne manquez pas Tire le Coyote en concert spécial avec invité au Grand Théâtre le 5 décembre. Billets en vente maintenant. Voilà, on est de retour à cette dernière demi-heure de l'aérospatiale, à tout le moins animée par moi, Julie Gagné. Et là, on me dit que Tania Beaumont est en ligne. Bonjour, Tania. Allô, Julie. Ça va bien? ça va très bien et toi? Oui, c'est une surprise. Ben oui, en fait, je voulais pas que tu saches, mais puisque je suis pas là, c'est un peu difficile de présenter quelqu'un comme ça au téléphone sans avoir aucune idée. Mais je prendrai pas longtemps de ton émission puisque justement c'est ta dernière demi-heure, mais j'aurais voulu être présente. Malheureusement, je suis sur la route pour te remercier en personne de toutes ces années de l'aérospatiale. C'est quand même un grand projet que Jean-Pierre Guy a monté avec cette émission qui parle d'art visuel à la radio et ça prend les bons mots. C'est pas tout le monde qui peut animer ça, qui peut prendre la relève. Tu l'as vraiment très bien fait dans les dernières années. Alors, je tenais à te remercier devant les auditeurs et au nom de toute l'équipe de CKRL. Ben merci beaucoup, Tania. Ça a été un plaisir. Puis, sache que j'ai quand même l'intention de continuer à parler art visuel sur les ondes de CKRL. Je vais certainement trouver une place pour faire des topos ou des chroniques périodiquement. Ben j'espère, parce que tu seras toujours la bienvenue, évidemment. Voilà, ben merci beaucoup. Merci à toi. Bonne dernière demi-heure. Merci. On va faire une courte pause audio avant d'aller parler avec Dominique Pétrin. On va écouter Sangtong Nasi Bessar. Voilà, donc c'était un extrait de l'album Antara Dapur Lingkun Ganya. Je ne réussirai pas à le dire correctement et de manière fluide d'ici la fin de l'émission. Je répète, c'est une suggestion de Simon Roy. Vous pouvez trouver le lien pour le téléchargement gratuit des pièces. Également, l'émission est disponible en balado-diffusion sur le site l'aérospatiale.wordpress. Com. Voilà. Demain à 17h, à Méduse débute le vernissage des installations sérigraphiques de Dominique Pétrin, mais j'ai pris de l'avance et je suis allée voir ça en fin de semaine pour pouvoir discuter avec l'artiste elle-même. Dominique, bonjour. Bonjour. Dans le communiqué, on parle d'installation sérigraphique au pluriel, il n'y a pas de titre. Et ça a piqué ma curiosité. Mais en fait, on n'a pas de titre à celle-là parce que c'est vraiment un projet collectif. C'est sûr que c'est moi qui l'ai parrainé. C'est moi qui ai supervisé et organisé des ateliers de sérigraphie qui ont lieu à Engram. Et on a fait le concept avec 12 participants d'une douzaine de motifs. Ouais. Qui ont servi à la fabrication de l'installation. Donc, c'est sûr que c'est mon travail dans le sens que moi qui l'ai organisé, mais il comporte beaucoup d'éléments qui ont été créés par les membres de la coopérative Sherpa. OK, donc c'est vraiment 12 membres de la coopérative Sherpa qui ont collaboré avec toi. C'est ça que je demandais, là, donc des gens qui habitent dans Saint-Roch. Peut-être à l'origine de ce projet-là, comment ça s'est passé? C'est Engram, c'est Méduse, Sherpa qui t'ont contacté pour En fait, c'est Méduse qui m'a approché. C'est la directrice de Méduse qui m'a contacté pour faire un projet pour souligner le 20e anniversaire de Méduse. La directrice avait l'intention de faire un projet aussi qui ouvrirait un peu Méduse au grand public. Ouais. Elle voulait que Méduse vraiment qu'il y ait un projet qui fasse un parallèle avec les gens là-bas, donc avec une communauté. Donc les gens de Sherpa, par exemple, se retrouvent dans Méduse, qu'ils fassent partie, qu'ils sentent que c'est bienvenu, c'est ouvert au public, mais aussi que qu'on ait un peu de méduse dans Sherpa. C'est un peu l'idée de pour le 20e de méduse d'ouvrir méduse puis de rappeler que c'est un lieu qui est accessible à tous. Et là, tu dis, bon, t'as donné des ateliers de sérigraphie à ces 12 ouais. personnes-là qui ont fait ouais. des motifs. Je t'avouerai, quand j'ai regardé les installations, j'ai dit, oh là là, ça ressemble pas mal au travail de Dominique Pétrin. Est-ce que tu leur as parlé de ton approche? Est-ce qu'ils ont décidé de s'inspirer déjà de ce que tu fais? Comment ça s'est passé? Ben, c'est sûr que moi, j'ai fait une introduction de mon travail ben à ouais. ces gens-là. Ben, c'est sûr aussi que moi, comme coordonne un peu l'installation puis que ça devient un peu ça m'appartient dans le sens que c'est moi qui prends toutes les décisions artistiques après quand c'est de monter l'installation. Mais c'est sûr que j'ai un peu donné mes couleurs, j'ai un peu donné mes saveurs, le genre de motifs que j'emploie, mais sans vraiment j'ai amené probablement des influences, mm-hmm. mais j'ai laissé ça très au libre choix des gens, de ce qu'ils voulaient faire. J'ai pas trop intervenu non plus. Mais j'ai quand même un peu dirigé, si on veut, pour que ça se fasse. Parce que comme vous allez voir, dans les deux installations, il y a beaucoup de motifs, puis il y a des couleurs, puis ça va pas nécessairement ensemble, mais mm-hmm. il fallait quand même que je trouve une façon de faire une installation collective qui est cohérente, qui se regarde bien, même si elle fait mal aux yeux. Mais ça devait être un défi quand même là, d'organiser ah oui. les couleurs, la répétition des motifs. J'imagine quand c'est avec ton travail, tu connais, tu as déjà des idées probablement quand tu te montes tes banques oui. de sérigraphie. Là, ouais. Là, c'est une autre dynamique complètement. Bien, c'est ça justement qui est intéressant parce que déjà, je vois pas ces projets-là comme mon travail. C'est, mm-hmm. Moi, je vois ça comme le travail de Sherpa, le travail des gens de Sherpa. Et moi, je suis un peu en arrière de tout ça. C'est un peu comme une commissaire aussi. Hein? Ouais, ouais. Puis aussi, mais c'est sûr que comme artiste, c'est un défi super intéressant pour moi de faire un projet comme ça. Ben, ça amène des problématiques. Bon, comment organiser ça ensemble? C'est des problèmes intéressants. Ça amène aussi souvent d'une autre façon de voir les choses. Tant moi que les gens de Sherpa, je pense qu'on peut apprendre d'une activité comme ça. Puis ces deux murales, je les appelle des murales, je sais pas, oui. deux installations, vraiment différentes hein, quand même. Oui. Là, c'est assez surprenant là, quand on arrive oui. à l'espace galerie Sherpa. Là, ça fait plus penser comme un peu comme à un mur de briques avec les sérigraphies oui. comme ça qui rythment la surface. Tandis que de l'autre côté, à Méduse, là, on a vraiment comme une composition d'un tout autre genre. Bien, comme je travaille normalement vraiment in situ, c'est-à-dire que ce soit dans une galerie ou que ce soit dans n'importe quel espace où je vais créer une installation, ben c'est le j'arrive avec mon papier, si tu veux, je débarque avec mes valises, j'étends ça sur le plancher, puis c'est vraiment un dialogue avec l'architecture, ouais. avec l'espace, mais aussi avec le contexte du lieu. C'est quoi le lieu? C'est des fois c'est pas une galerie, des fois c'est un parking dans lequel il y a des sans-abri qui dorment, des fois c'est une station de métro avec tout un réseau social qui tourne autour. Ben je prends un peu en considération tous ces éléments-là, puis ça influence beaucoup ma façon de faire l'installation. Donc qu'est-ce que je veux dire par là, par exemple à Sherpa, j'ai vraiment voulu faire quelque chose de plus. J'ai monté l'installation où j'ai pris des feuilles de mes motifs pleines. Ouais. C'est-à-dire pas découper, pas retravailler, et les motifs des participants, mais je les ai vraiment alignés les unes à côté des autres, comme le matériel brut, si on veut, de l'installation. Okay. Donc, j'ai voulu vraiment plus montrer le travail de chacun, mais vraiment, OK, ça, c'est le motif de Sylvie, ça, c'est le motif de Isabelle, de Marc. Le motif de Marc, ça, c'est le motif de Thérèse. Donc, je voulais vraiment que chacun puisse, parce que faut dire aussi que les gens de Sherpa habitent là, donc je voulais qu'ils puissent descendre avec leurs amis ou inviter et dire « Ah, j'ai fait celui-là! » Oui, oui, puis se reconnaître puis être fiers, là. Oui, exactement. Donc, c'est peut-être une approche plus communautaire, plus je montre qu'est-ce que les gens ont réalisé. Et à Méduse, là, j'ai vraiment plus fait une installation où j'ai vraiment, je m'en suis plus permis de jouer avec les motifs, de la façon de les disposer. Puis j'ai vraiment beaucoup plus... mon travail visible à travers tout ça. Donc, c'est vraiment plus le type d'installation que je réalise, moi. Puis c'est un peu pour ça qu'elles se différencient les unes des autres, l'une de l'autre, pardon. Puis est-ce que tu as eu des commentaires des gens qui ont participé aux ateliers sur l'installation finale ou ça va venir au vernissage demain? Bien, je pense que ça va venir au vernissage. Tu sais, c'est sûr que là, on n'a pas fini comme tel. On est encore en train d'installer la semaine dernière, mais je pense qu'avec un petit verre, on va pouvoir se parler de l'expérience et de qu'est-ce qui en ressort. Mais j'ai entendu dire qu'il y a des gens qui ont apprécié beaucoup, beaucoup. Ça a été extrêmement agréable. Ça a été très drôle. Très drôle. On sent le plaisir dans tout ce travail-là. Dominique Pétrin, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, les installations que Dominique a réalisées avec des gens de Sherpa sont visibles déjà à partir de la rue, soit sur la rue Saint-Valier-Est, à côté de Méduse. Sinon, on passe sur le boulevard Charest en face de Sherpa. C'est ça. Mais quand même, le vernissage débute demain à 17h à Méduse, puis à 18h30 à Sherpa. OK. Voilà. Ben merci beaucoup. Merci beaucoup. On s'en va en pause. À demain. À demain. On s'en va en pause audio. On écoute Sangtong Nasi Kessil et Sangtong Nasi Bessar. Et au retour, on discute avec Jean-Pierre Guay. Et voilà, on entame le dernier quart de l'aérospatiale et comme j'ai dit en début d'émission, on la termine comme elle a commencé il y a 10 ans, c'est-à-dire avec Jean-Pierre Guay. Bonjour Jean-Pierre. Hey, salut. Hey, je suis contente de t'accueillir pour cette dernière, avec toi. Je suis assez content aussi parce que c'est une grande histoire, c'est une longue histoire qui date, comme tu disais, de 10 ans. Ouais. C'était un défi, il y a 10 ans, de vouloir faire des arts visuels à la radio. Tout le monde riait un peu de moi quand j'ai eu cette idée-là, mais finalement, ça marche et ça marche encore. Et ce que je peux dire, c'est que il y a plein de monde que je rencontre puis qui disent « on écoute l'aérospatiale ». Donc, c'est une émission qui a sa place dans la grille horaire de CKRL. C'est pas une émission qui est marginale, c'est une émission qui est vraiment écoutée. Puis, je trouve ça le fun. Je trouve ça le fun que tu sois là, puis je pense qu'il y a de la relève aussi. Fait que, dans le fond, je suis très content que tu aies fait ce que tu as fait toi. parce que tu as donné ta couleur à cette émission-là. Tu as donné tout ton cœur, toute ta compétence, la compétence que moi, j'avais pas, mais toi, tu t'as apporté ça. Puis ça... Ben, t'en avais quand même, Jean-Pierre. Non, j'avais de la connaissance. Non, j'avais certainement. Là, je m'obstinais, là, mais 5 ans d'animation de l'aérospatiale, là, je m'excuse, mais t'es vraiment devenu une référence en art visuel. Bon. Ce qui était référence quant à moi, c'est le cœur qu'on mettait là-dedans. Puis c'était ça qui faisait que le monde nous écoutait. Puis je pense que c'est encore ça qui fait que le monde nous écoute. Puis c'est ce qui va faire que le monde va encore écouter ça. Parce que dès qu'on tombe dans l'académisme, dans le très sérieux, l'auditoire, je suis convaincu qu'il va nous quitter. L'idée, c'est vraiment de faire aimer les arts visuels. Parce que c'est pas si compliqué que ça. Il suffit juste qu'on se questionne puis qu'on soit ouvert. Puis qu'on ose. Tu sais, qu'on ose aller voir des patentes qu'on connaît pas, puis se faire brasser le pompon, puis de se dire, ben, coudonc, mais je comprends pas. Mais à un moment donné, quand on se met à réfléchir à ça, ben, on se dit, coudonc, hein, c'est pas si mal. Puis il y a quelque chose derrière ça. Et on veut en retourner en voir parce que c'est ça qui est intéressant. C'est pas d'aller voir toujours les mêmes paysages de Charlevoix qui sont très beaux, mais que moi, je préfère voir en direct dans Charlevoix. Oui, puis qui sont faits depuis quoi, 100 ans des aujourd'hui, années, presque. Ouais. Voilà. Fait que parlant de paysages de Charlevoix, là, c'est absolument pas ce que t'es allé voir. Là. L'amateur dans radio n'a pas pu s'empêcher d'aller voir les premiers d'Alexis Bellavance. Alexis Bellavance, je dirais que c'est un peu l'Éric Dorion de Montréal. Tu sais, ouais. Fait qu'on va faire, on va revirer à l'envers. Ils collaborent en plus. Hein? Oui, c'est deux collaborateurs ensemble. Puis, Alexis, il est à Regard maintenant et il présente une œuvre qui est très surprenante. C'est du gros stock. Pour les gens qui aiment les solos de drum, c'est la place. Mais c'est pas si tant si pire que ça. C'est pas un solo de drum. C'est pas si tant pire. Mais moi, je trouve ça vraiment intéressant. Il a poussé le solo de drum à son maximum. Il a, comme je dirais... pousser le genre à sa limite. Ouais. Dans le sens où il habite totalement l'espace de la galerie de centre de regard. Tu sais, si on connaît cette galerie qui est faite en L. En L, ouais. Bon, ben là, lui, là, le gros de son stock, quand on arrive, Il est dans le petit coin du L. Et ce qu'on voit, c'est des petites caisses claires, des instruments, puis tout ça, puis des cymbales. Puis d'un coup, plus on s'approche, puis là, on n'a rien entendu encore. Et là, quand on s'approche, puis quand... Et là, ça décolle. Boum, hein, c'est ça. Et là, c'est le solo de drum au maximum qu'on entend. Et c'est très impressionnant. Et il y a aussi de la couleur dans ça. Ouais. Il a voulu, je pense, créer un solo de drum qui soit à la fois... au maximum du sonore et au maximum du visuel. Ouais. Il y a beaucoup de lumière dans ça. Il y a des plexiglas, en fait. Bon. Je pense que c'est jaune, orange et rose là, qui sont suspendus. Je te laisse le choix des couleurs. Ouais, moi, en tant que daltonien... Pas mal ça. Moi, j'ai vu des affaires. J'ai vu de quoi, là, et ça brassait dans tous les sens. Ouais. Moi, j'ai vraiment aimé ça. C'est vraiment comme une espèce d'explosion sonore, parce que c'est à la fois visuel, tu sais, quand ça explose, la lumière jaillit, puis en même temps, ben le son jaillit. C'est une très bonne installation. C'est un grand nom. Ouais. De l'art sonore. Mais ce qui est fascinant, je trouve, Jean-Pierre, là, c'est que, puis tu sais, j'ai discuté aussi avec Alexis Bellavance, mais ce que je trouve complètement fascinant, c'est comment il a réussi à faire passer le visuel au second plan. Parce qu'habituellement, on regarde, puis après ça, on écoute, mais toujours notre attention va aller vers ce qu'on voit. Puis là, on fait tellement le saut que c'est quand ça se calme, puis qu'on a arrêté de bouger, que là, on va vraiment regarder. Tu sais, c'est comme on arrive dans la galerie, on voit, après ça, on écoute. Puis quand ça fait plus de bruit, là, on regarde. Donc, il réussit vraiment à passer. En fait, il a créé une œuvre sonore à laquelle il a ajouté des effets visuels. Mm-hmm. Tu sais, il a fait comme d'un gros show rock, là. Quand à un moment donné, le soliste part sa guitare, puis là, ben là, tout d'un coup, les lumières jaillissent de partout. Ouais. C'est un peu ça qu'il a voulu recréer. Alexis, c'est un senior dans le domaine de leur audio. Et il a réussi justement à ajouter l'aspect visuel à son travail. Et ça, quant à moi, ça mérite le voyage l'autre bord. Oui, parce que tu sais, c'est juste l'autre bord du fleuve, mais c'est nécessairement l'autre bout du monde. Mais une chose aussi que je voulais dire que je trouvais intéressante dans l'installation d'Alexis Bellavance, c'est aussi comme cette espèce de suspense qu'il nous donne. Parce que quand on arrive dans la galerie, on sent qu'il s'est passé quelque chose. Il y a des lumières, mais on le sait pas exactement. Et là, on se fait vraiment avoir là, avec quasiment le cœur qui... On se fait avoir parce qu'il y a des capteurs de présence. Là, ouais. Bon. Mais aussi, à la toute fin, quand l'œuvre, quand on s'est retiré de l'espace, il reste toujours un fantôme. Il y a comme un fantôme qui vient toucher ouais. une petite caisse qui traîne. Puis qui là, elle, c'est cette petite caisse-là qui... C'est ce petit morceau de fer ou de je sais pas trop quoi qui frappe cette petite caisse-là. Et c'est ça qui est présent quand on arrive. Juste ce petit son-là, très, très, très minimaliste. Puis là, on se dit, coudonc, il se passe pas grand-chose ici jusqu'à ce mm-hmm. que, justement, on s'approche. Donc, il a réussi à créer une tension dans son travail qui est très théâtrale. Tu sais, tant qu'on s'approche pas, et c'est ça que je trouve intéressant. L'art sonore, c'est quelque chose qui est un peu rébutant, on ne sait pas trop. Il faut s'en approcher. Alors ouais. lui, ce qu'il fait, dans le fond, c'est qu'il nous incite à s'approcher de son travail. Puis il a réussi à utiliser l'espace, qui n'est pas nécessairement un espace si facile à utiliser. Puis tu sais, de tout concentrer dans la petite partie, c'était quand même... ça pouvait être assez risqué aussi. Oui, en tout cas, moi, je trouve que c'est une belle utilisation de cet espace-là de regard. L'espace qui est le plus timide, je dirais, ouais. dans ce centre d'artistes-là, et de lui donner beaucoup d'amplitude et beaucoup de grandeur. Alors, moi, j'aime beaucoup ça. Voilà. Et c'est là, écoute, il faut que je te dise, c'est là jusqu'au 16 juin. Fait qu'on a encore le temps. On a encore le temps, mais oui. Moi, je ne dis pas trop le « en masse » parce que souvent, on attend, puis là, on se rend compte le 16. « Oh non, j'aurais dû y aller, c'est fermé. » Ben, allons-y maintenant. Oui, il fait beau, là. C'est ouais. temps d'aller... C'est ouvert comme n'importe quelle galerie, là, du mercredi jusqu'au dimanche et aux heures, là, à partir de midi jusqu'à 17 heures. Voilà. Ben merci beaucoup, Jean-Pierre. Mais je voulais surtout te dire merci ah oui? à toi. Bon. Ça me fait pleurer, là, c'est ça. Ben non, je ne te ferai pas pleurer parce que je vais te dire que tu as pris la relève de quelque chose qui était un gros projet. Des gros souliers à remplir. Des grosses bottines. Pas parce que c'était moi, là, parce que c'était un sujet qui était... immense à Québec. Les arts visuels à Québec, là, c'est insoupçonné la place que ça a et ça mérite beaucoup plus de diffusion que ce que les médias en général accordent à ce secteur-là. Et tu as su prendre la relève de ça puis faire ton bout à toi, faire ton chemin à toi de façon exemplaire. Moi, je te remercie beaucoup. Puis je souhaite bonne chance à celles qui vont te remplacer. Oui, on nomme pas parce qu'on ne sait pas encore. Celles étant les personnes oui. qui vont te remplacer. Voilà. Mais moi, je te remercie beaucoup parce que en même temps, ben, tu sais, toi, en même temps que t'as pris la relève de ça, ben, t'as fait aussi ton bout parce que t'as eu un enfant puis t'as drivé à travers tout ça, ce projet-là qui demande quand même... c'est pas comme de juste faire jouer de la musique, là. C'est non. de rencontrer du monde puis de se préparer, puis ça demande beaucoup de préparation. Ben, merci. Ben, merci à toi, Jean-Pierre. Puis ce travail-là, j'aurais pas pu le faire sans les nombreux collaborateurs. Tantôt, je m'amusais à faire la liste. Puis là, j'espère que j'ai pas oublié de gens, mais en 5 ans d'aérospatial, ben, il y a Jean-Pierre Gay qui était là, Jean-Tiane Lafrance, Audrey Caro, Annie Charlotte Thibodeau, Simon Roy, Raymond Poirier, également Fanny Hénon-Lévy, Éric Dorion au début, hein, qui s'occupait ouais. là, pendant la première mi-saison des sélections audio, Anouk Desloges, qui est rendue à Toronto, qui fait sa carrière là-bas, Catherine Boivin, Dominique Savoie, Claude Chevalot également, qui était là pendant que tu étais là, Jean-Pierre. Et également, ben, tout ça, ça reste quand même que ça a été mis en onde par Jacques Gignac, que je remercie grandement d'ailleurs. Donc, merci à toute cette équipe qui m'a soutenue. C'est certain que j'aurais pas pu faire tout seul pendant tout ce temps-là. Donc, tous ces gens avec qui j'ai vraiment eu le plaisir de collaborer, d'entendre les opinions également. Mais tu sais, Julie, quand tu nommes tout ce beau monde-là, là, ça démontre que c'est KRL. C'est vraiment une radio communautaire. Ouais, vraiment. C'est une radio qui est impliquée dans sa communauté, qui fait appel aux gens de la communauté, dans ce cas-ci la communauté artistique, hein, et la communauté répond. Juste tes collaborateurs que tu viens de nommer. Puis si tu avais nommé tous les artistes que tu as reçus... Ah oui, ben ça, c'est 300 entrevues à peu près. Mais là, vois-tu, depuis, là, hein? en 5 ans. Alors, moi, là, j'avais 660 personnes que j'avais reçues dans la version antérieure. Alors, ça fait du monde à Québec qui sont impliqués dans le domaine des arts puis qui, et qui ont une place unique pour parler de ce qu'ils aiment. Radio-Canada concerne habituellement à peu près un quart de minute par bulletin de nouvelles à l'art visuel. C'est généreux, ça, ou c'est des vraies statistiques? Oui, non, mais c'est parce qu'un quart de minute, c'est... je te trouvais généreux. Là. C'est parce que je faisais la moyenne. Ouais. Une émission sur quatre, ils font faire une petite minute. Là. Donc, je dis un quart de minute. Mais c'est vraiment le domaine le plus oublié dans les grands diffuseurs. Et pourtant, c'est le domaine où on constate qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont pratiquants à Québec. 10 ans d'art visuel à la radio, de manière hebdomadaire avec des pauses l'été, ça le montre bien. J'ai envie peut-être de terminer. Là, il me reste un petit peu de temps pour dire que il y a des gens qui sont en ce moment intéressés. Il reste à voir qu'est-ce qui va arriver avec tout ça, mais c'est certain que si jamais cette démarche-là aboutit pas, on vous trouve des gens pour continuer l'aérospatiale parce que c'est une tradition et CKRL, c'est vraiment important. C'est important qu'on parle d'art visuel. Et puis, comme je disais à Tania Beaumont au téléphone tantôt, moi, je vais venir faire des chroniques, là. Ça prend quelqu'un qui prend la relève. Donc, voilà, je remercie tous mes collaborateurs, je remercie tous les invités, hein. Comme je disais, là, 300 entrevues. C'est pas 300 personnes différentes, mais c'est quand même pas mal de monde qui sont venus à l'émission. Je termine en disant que le blog va toujours être actif, l'aérospatiale.wordpress.com. Il n'y aura plus d'émission disponible, mais je vais quand même faire un effort pour entretenir là, les communiqués de presse. Et quand professionnellement j'aurai l'opportunité, mais c'est certain que je vais recommencer à écrire puis continuer à parler des arts visuels sous un autre médium. Donc, merci à tout le monde. Merci encore à Jacques Gignac pour la mise en onde. Puis je vous souhaite une belle soirée et un bel été sur les ondes de CKRL. Merci.